Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 31 juillet et oui, nous sommes déjà le dernier jour de ce mois de juillet. Décidément, ça passe extrêmement vite. En ce jour, nous souhaitons une bonne fête au Ignace, ça vient du latin signifiant feu. Ignace possède un charisme certain, sans doute parce qu'il émane de lui une force tranquille particulièrement sécurisante. C'est un être sociable, aimant, communicatif et extraverti, très sensible à l'harmonie et pris de justice, il est prêt à fournir beaucoup d'efforts pour conserver la paix. Esthète et créatif, il est bon bricoleur et peut avoir des violons dingres artistiques. Enfant, il est très marqué par sa famille et serait affligé si une disharmonie parentale se manifestait. Tendre, affectueux, serviable, il est vite autonome et responsable. Dicton du jour, au jour de Saint-Ignace, moissonne quelque temps qu'il fasse, jusqu'au dernier jour de juillet, laisse tomber dans le grenier. Célébration internationale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le jour de la flamme de la paix qui commémore la première cérémonie en l'honneur de la paix marquée en 2007. Et aux États-Unis, dans l'état d'Hawaï, c'est la fête du drapeau et ça s'est passé un 31 juillet en 1498. Christophe Colomb découvrait l'île de la Trinité. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec Grand Corps Malade et son titre Dimanche soir. Parce qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction. Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments. Et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment. Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop. Et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long. Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi, je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Parce que je te chante sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts, mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes. Et qu'à chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux. Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A, et tu seras aussi mon plan B. Après 10 ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. dimanche soir, magnifique titre hein, de Grand Corps Malade sur RGM. Un peu plus de 8h36, on est toujours dans la matinale et on va parler maintenant anniversaire avec tous ceux qui sont nés un 31 juillet 1929. Naissance de Don Murray, acteur américain, vu dans la série Côte Ouest dans le rôle de Sid Fairgate, dans la saison 3 de la série Twin Peaks dans le rôle de Bushnell Mullins. 1938, naissance de Marion Gamme, actrice française, vue au cinéma dans C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Mon curé chez les Thaïlandaises, vu dans la série télé Boulevard du Palais dans le rôle de Simone Rivière. Plus belle la vie dans le rôle d'André Bauer. Alice Nevers, le juge est une femme. Profilage, Camping Paradis, mais c'est vrai qu'on la connaît surtout pour son rôle d'Huguette dans Scène de ménage. 1944, naissance de Géraldine Chaplin, actrice américaine, fille de Charlie Chaplin, vue d'ailleurs dans deux films de son père, Les Feux de la Rampe et La Comtesse de Hong Kong, vue également dans Les Trois Mousquetaires. On l'appelait Milady et Le Retour des Mousquetaires dans le rôle de la reine Anne d'Autriche, vue également de Buffalo Bill et Les Indiens, et tout récemment dans Jurassic World, Fallen Kingdom dans le rôle d'Iris Carroll. 1947, naissance de Stone, chanteuse française du duo Stone et Chardin, et on écoute tout de suite un extrait du titre La Ventura. Pour l'extrait de La Ventura, hein, donc de Stone et Chardin. On continue les anniversaires. 1950, naissance de Richard Berry, acteur réalisateur français, vu dans Le Grand Pardon 1 et 2 dans le rôle de Maurice Béthune, L'Addition, L'Union Sacrée dans le rôle de Karim Amida, Pédale Douce, Ah si j'étais riche, La Doublure dans le rôle de Maître Foy, Les Aigus Rouges, L'Emmerdeur, L'Immortel dans le rôle d'Aurelio Rampoli. Il a réalisé Moi César, 10 ans et demi, 1m39 ou encore L'Immortel. 1954, naissance de Noël Perna, humoriste et actrice française connue pour son personnage de Mado, la niçoise. 1956, naissance de Michael Biehn, acteur américain, connu pour son rôle de Kyle Reese dans la saga des Terminators et vu dans Alien le Retour dans le rôle du caporal Dwayne Hicks. 1958, naissance de Bill Berry, batteur américain du groupe REM, dont on écoute tout de suite un extrait du titre « Losing My Religion ». Trying to keep up with you. Voilà pour l'extrait du titre donc du groupe REM. On reste en 1958 avec la naissance de Manuel Gélin, acteur français, vu dans l'été meurtrier, Incognito, la saga de l'été Dolmen dans le rôle de Loïc Kermer, la série Sous le soleil dans le rôle de Romain Marchal, vu également dans Julie Lescaut ou encore Camping Paradis. 1962, naissance de Wesley Snipes, acteur américain, vu dans Jungle Fever, Demolition Man, Blade 1 et 2, également chorégraphe des combats sur ces deux films, vu aussi dans Blade Trinity, K.O. ou encore Expendables 3. 1965, naissance de J.K. Rowling, écrivaine britannique qui doit sa notoriété mondiale à la série des livres Harry Potter, dont les romans traduits en près de 80 langues ont été vendus à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde. Et c'est également l'anniversaire du personnage d'Harry Potter, qui est né donc le même jour que son auteur, mais en 1980. 1966, naissance de Dean Cain, acteur américain connu pour son rôle de Clark Kent alias Superman dans la série télé Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, vu dans Las Vegas dans le rôle de Casey Manning, Smallville, les experts Miami, Entourage, Esprit criminel, Supergirl dans le rôle de Jeremy Danvers, les téléfilms Piège de feu ou encore Magnitude 10,5, l'Apocalypse. 1975, naissance de Vincent Bellorger, plus connu sous le nom de Kavinsky, DJ français, dont on écoute et bien tout de suite un extrait du titre Night Call. Voilà pour l'extrait de Kavinsky. On continue. 1977, naissance de Grand Corps Malade, chanteur français. 1978, naissance de Will Champion, musicien britannique du groupe Coldplay. 1982, naissance de Marc Lopez, joueur de tennis espagnol professionnel depuis 1999, qui en double a été numéro 3 mondial en 2013, qui a gagné une fois Roland Garros, deux fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie et huitième de finaliste à Wimbledon. Il a remporté une médaille d'or olympique en double. C'était à Rio en 2016 aux côtés de Rafael Nadal. 1988, naissance de Max et Charles Carver, acteurs américains. Max est connu pour avoir incarné le rôle de Preston Scavo dans la série Desperate Housewives et le rôle d'Eden dans la série Teen Wolf. Et son frère Charles, lui, incarnait Porter Scavo dans Desperate Housewives et Ethan dans la série Teen Wolf. 1989, naissance de Victoria Azarenka, joueuse de tennis biélorusse professionnelle depuis 2003, qui en simple a été numéro 1 mondiale en 2012, qui a gagné deux fois l'Open d'Australie, deux fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à Roland-Garros et Wimbledon. En double, elle a été numéro 7 mondiale en 2008, deux fois finaliste à l'Open d'Australie, une fois finaliste à Roland-Garros, quart de finaliste à Wimbledon et 16e de finaliste à l'US Open. En double mixte, elle a gagné une fois Roland-Garros et ainsi que l'US Open, une fois finaliste à l'Open d'Australie et Wimbledon. Elle a remporté une médaille de bronze olympique en simple en 2012 et la même année, médaille d'or en double mixte. 1991, naissance de Kenza Dali, footballeuse française professionnelle depuis 2007, qui a joué à Lyon, Rodez, au Paris Saint-Germain, de nouveau à Lyon. Ensuite, elle a été prêtée à Lille et pour la saison à venir, elle va évoluer à Dijon. 1996, naissance de Léa Passy, chanteuse française. On écoute un extrait de son titre « Pour aller où ?» Te souviendras-tu de nos imprudences, d'une jeunesse qui pleure, des appels manqués? Sais-tu qu'aimais-tu le peu d'innocence au fond de nos cœurs, presque aimanté? Il a sûrement trop plu durant nos absences, les nuits sans couleur, les hôtels hantés, ils se moquent de nos entailles. Voilà pour l'extrait de Léa Passy. En 1784, décédé Denis Diderot, écrivain, philosophe français. En 1864, décédé Louis Hachette, éditeur français, fondateur en 1826 de la maison d'édition qui porte aujourd'hui encore son nom et qui est toujours le premier groupe éditorial français. 1944, décédé Antoine de Saint-Exupéry, aviateur et écrivain français à qui l'on doit Vol de nuit, Terre des hommes et bien évidemment Le Petit Prince. Et en 2017, on apprenait le décès de Jeanne Moreau, actrice et chanteuse française, vue dans Touchez pas au Grisby, la reine Margot dans le rôle de Marguerite de Valois, Julie Jim dans le rôle de Catherine, Mata Hari dans le rôle de Mata Hari, vue également dans La vieille qui marchait dans la mer, dans le rôle de Lady M, qui lui avait valu le César de la meilleure actrice. Allez, petite pause musicale avec le groupe Coldplay et leur titre Miracles. Above, I heard the angels sing to me these words. And sometimes in your eyes, I see the beauty in the world. Du groupe Coldplay sur le 107FM. Il est presque 8h51 et on parle bien maintenant météo. La météo. Alors, eh bien, écoutez, pas de changement, hein. Aujourd'hui, ce sera encore une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 19 et 20 degrés ce matin, entre 31 et 33 degrés pour cet après-midi. Pour mercredi, toujours du soleil, mais cette fois-ci, quelques orages à prévoir avec un petit peu de pluie. Alors, ce serait pas trop mal, hein, qu'il pleuve un petit peu, on en a un petit peu besoin. Et ça permettrait peut-être aux températures de diminuer un petit peu, mais je suis en train de regarder, pas du tout. On aura toujours entre 19 et 20 degrés pour demain matin et entre 30 et 32 degrés pour demain après-midi. Et pour jeudi, eh bien, retour d'un franc soleil et des températures comprises entre 19 et 20 degrés le matin et entre 31 et 33 degrés prévus pour jeudi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Petite actualité sportive hein, ce matin avec du tennis à Kitzbühel, l'élimination de Moutet en 3-7 face à Kukushkin, 4-6, 6-3, 6-4. Aujourd'hui, Gilles Simon affrontera Berrettini à Los Cabos. Aujourd'hui, Quentin Alice affrontera Muller. À Washington, Benoît Paire affrontera Bagdatis. Herbert sera opposé à Kruger. Mio à Sugita et Jérémy Chardy à Copil. Et à San José, Mladenovic affrontera Babos. Et on termine avec du football en Ligue 2, victoire de Metz, 1 but à 0 à Brest. Voilà pour l'actualité sportive, je vous l'avais dit, il n'y a pas grand chose ce matin. On va donc marquer notre dernière pause musicale avec Jeanne Moreau et le tourbillon, hein, la chanson du film Jules et Jim. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, aïe, aïe. Ça fait déjà un fameux bail. Ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant. L'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant. Des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu. On s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue. On s'est retrouvé, on s'est séparé. Puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés. Le tourbillon de Jeanne Moreau sur RJM. Un peu plus de 8h54, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Alors, à 9h, ce sera durablement vôtre. À midi, ce sera la dernière de la bulle de l'IA consacrée à la forteresse de Châtel-sur-Moselle. L'IA qu'on embrasse et qu'on remercie pour toutes ces émissions et ces moments partagés. Ah, voilà, vous l'avez peut-être entendu. À 13h30, ce sera la rediffusion de Minute Bonheur par l'IA. 16h, rediffusion de Débat Déo. 18h, L'heure des loups avec loups consacré au lac de Saulsure. 20h, La parole est à vous avec Michel. 22h, J'aime et je vous le lis avec Dominique. Et minuit, la rediffusion de La bulle de l'IA. Quant à nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.